Facebook doit être surveillé de près par l'État. Qui a dit ça ? La Cour européenne de justice en 2015. Juste comme ça ? Non, après la plainte d'un étudiant. Les étudiants peuvent porter plainte auprès de la Cour de justice européenne ? Lorsqu'il s'agit des droits fondamentaux des citoyens de l'Union, il se peut qu'un tribunal national doive se tourner vers la Cour européenne. Qu'est-ce que sont les droits fondamentaux ? Sont-ils liés aux droits de l'homme ? Les droits fondamentaux des citoyens de l'Union sont largement basés sur les droits de l'homme. Bien que l'économie et le travail étaient au cœur de la création de l'Union européenne, celle-ci n'a cessé de renforcer les droits des citoyens depuis 20 ans. Ces droits reflètent les valeurs de l'Union et sont régulièrement mis en œuvre par des arrêts de la Cour de justice européenne. Depuis 2000, ces droits sont inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, contraignante pour les États membres. Les valeurs défendues par les droits fondamentaux sont ainsi protégées par la loi. Et Facebook a violé les droits fondamentaux de l'étudiant ? C'est ce que l'étudiant voulait savoir. Il utilisait Facebook depuis 2008. Après les révélations d'Edward Snowden sur le traitement des données par les services secrets américains, il s'est adressé au Data Commissioner d'Irlande, où Facebook a son siège européen, pour qu'il contrôle la manière dont Facebook transfère et traite les données de l'Europe vers les États-Unis. Il s'agissait de vérifier si les droits fondamentaux et les libertés des personnes physiques et leur vie privée sont bien protégés. Une question aussi spécifique peut-elle être posée par toute personne de l'Union ? Oui. Pour les données électroniques, il existe un organisme spécifique dans chaque pays. C'est défini dans une directive européenne. Et donc, qu'a dit ce Data Commissioner ? Il a rejeté la demande de l'étudiant. D'abord, il n'y a aucune preuve que ces données à lui aient été transmises aux services secrets. Et la Commission européenne a déjà conclu un accord en 2000 sur la protection de la vie privée lors du transfert de données vers les États-Unis. Et donc pas si facile de se faire entendre. L'étudiant ne s'est pas laissé impressionner et a porté plainte auprès de la Cour irlandaise. Celle-ci a estimé que les informations fournies par Snowden laissaient planer un doute légitime sur le sort des données une fois qu'elles sont arrivées aux États-Unis. Mais surtout, il ne s'agissait plus seulement d'un étudiant, mais des droits de millions de personnes dans l'Union européenne. Le tribunal irlandais a ainsi remis en question l'accord entre l'Europe et les États-Unis et s'est tourné vers la Cour européenne de justice. Parce qu'il est devenu douteux que l'accord protège suffisamment les données ? Exactement. La collecte et le traitement automatisé et secret des données personnelles constitueraient une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des citoyennes de l'Europe. Qu'en a pensé la Cour de justice européenne ? Celle-ci a étudié la demande et a examiné l'accord. Elle a constaté que l'accord couvrait les droits fondamentaux dans le cas d'un traitement commercial, mais pas contre une utilisation par l'État. Une fois que les données sont arrivées aux États-Unis, elles pouvaient être sans autre consultées et traitées en masse par l'État en invoquant la sécurité nationale. L'accord ne réglemente pas quelles données, ni quels traitements, ni quelles utilisations les États-Unis pouvaient faire de ces données. Mais surtout, l'accord lui-même exclut le contrôle de l'accord. C'est bien pratique. Peut-être qu'en 2000, les politiques en Europe n'avaient pas encore une idée aussi précise de ce que pouvait signifier le transfert de données et son contrôle. Que pouvait alors faire la Cour de justice européenne ? Est-ce qu'elle a interdit Facebook en Europe ? En effet, l'affaire a été très suivie par les médias. Et l'opinion publique craignait vraiment que le réseau de médias sociaux ne subisse de graves perturbations. Mais ce n'est pas ce que fait la Cour. Elle a néanmoins clairement ouvert la voie à une reprise en main du contrôle des données des citoyens de l'Europe. Premièrement, elle a déclaré l'accord invalide en raison de l'absence illégale de contrôle propre. La Commission doit donc renégocier la base du transfert des données avec les États-Unis. Deuxièmement, sur la base d'un soupçon aigu de violation massive des droits fondamentaux et de la quasi-totalité de la population européenne, la Cour a déclaré que la demande de l'étudiant était justifiée et que l'autorité de contrôle en Irlande devait traiter sa demande avec la plus grande diligence. Quelque chose s'est mis en branle. La Cour européenne n'aurait-elle pas pu consulter d'elle-même l'accord ? Ce n'est que dans de très rares cas qu'un tribunal peut s'auto-saisir. Mais imagine quel travail impossible cela représenterait de s'immiscer partout et de tout vérifier. Il existe déjà des autorités et des organisations pour cela. Mais en réalité, les citoyens de l'Union sont les mieux placés pour défendre leurs droits. Et il faut aussi leur faire savoir que l'Europe et ses institutions, comme la Cour de justice européenne, sont un lieu de lutte pour la réalisation de l'Europe auquel ils ont accès. Oui, c'est bien. Je veux dire, l'étudiant a maintenant persuadé une agence gouvernementale de faire son travail. C'est déjà remarquable si les citoyens ne sont pas exposés à l'arbitraire des administrations, non ? Oui, mais quelle place est accordée à des valeurs comme les droits de l'homme dans tous les conflits et intérêts qui se déroulent dans l'Union ? Je veux dire que dans ce cas, on s'assure au mieux que tout ce que j'écris sur Facebook ne finisse pas automatiquement dans les archives des services secrets américains. Mais sur le plan économique, ça ne nuit à personne. Facebook peut continuer à opérer en Europe. Les intérêts économiques des grandes entreprises seront certainement pas lésés par la défense des droits des citoyens. C'est un a priori qui n'est pas juste. La charte n'a pas seulement une valeur symbolique. C'est le résultat d'une volonté politique d'ancrer ces valeurs comme une base juridique. La montée de l'importance de ces valeurs était déjà en cours bien avant que la charte soit signée. Je pense par exemple à un jugement de 2000 entre la Deutsche Telekom et la retraitée Lili Schröder. Qu'est-ce qu'elle a fait, Lili ? Lili a été employée à temps partiel par Deutsche Telekom de 1975 jusqu'à sa retraite en 1994. En tant qu'employée à temps partiel, elle ne pouvait pas s'inscrire à la caisse de retraite de l'entreprise jusqu'en 1991. En tant que retraitée, elle a porté plainte avec effet rétroactif pour sa retraite, estimant qu'il s'agissait d'une discrimination dissimulée des femmes en matière d'égalité de traitement, étant donné qu'à l'époque, quand elle était employée, 95% des employés à temps partiel étaient des femmes. Le tribunal régional de Hambourg a donné raison à la retraitée. Et la Deutsche Telekom ? L'entreprise s'est bien sûr opposée à cette décision et a fait appel sur la base d'un article dans le traité de l'Union européenne qui établit bien l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, mais dont l'objectif central était d'assurer une concurrence équitable entre les États qui n'imposaient pas tous l'égalité salariale, mettant ainsi l'accent sur l'économie et la compétitivité des entreprises comme but. Oui, la paix par le marché est la principale raison d'être de l'Union européenne. Eh bien, ce jugement est précisément un des moments où nous pouvons percevoir que d'autres récits de l'Europe, comme une Europe des valeurs et des droits de l'homme, deviennent de nouvelles priorités. La Cour de justice n'a certes pas réécrit l'article, mais sa décision dans l'affaire va être lourde de conséquences pour l'entreprise. D'abord, elle a reporté la prescription de 1990 à 1975, ce qui est déjà remarquable. Puis, elle a surtout décidé très clairement, et je cite le texte de l'arrêt, qu'il y a lieu de considérer que la finalité économique poursuivie par l'article 119 du traité et consistant en l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l'objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l'expression d'un droit fondamental de la personne humaine. C'est fou ! Lili a donc reçu sa retraite rétroactivement ? Oui. La Cour européenne n'a pas vu de contradiction avec la décision du tribunal régional de Hambourg. Plus encore, elle l'a confirmé et a déclaré que toutes les femmes de l'Union européenne qui ont subi une telle discrimination ont le droit à l'égalité rétroactive.